toujours ça. Je sais pas, moi je trouve ça assez plate. Tout le monde. Alors, je l'ai jamais dit, mais... On passe à la période de réponse. Bon, ben, ok, réponse. Ça va être Je lirai les questions après. Alessandro, c'est un nom, Alessandro Jodorowsky scénarise 3 séries initiatiques en bande dessinée. L'Incal, John Dufol, Aleph Tao, l'Enfant Tron et le Lama Blanc. Est-il missionné ou est-il un canal des forces astrales? Tous les êtres missionnés sont des canaux des forces astrales. Il n'y a aucune personne qui est missionnée sur la planète, qui est reliée à son esprit, qui est centrée dans son intelligence. Les gens qui sont centrés dans leur intelligence vont accomplir des choses, mais ils ne sont pas missionnés. Alors, les gens qui sont reliés à des guides, à des anges, souvent à des mécaniques extraterrestres, pas toujours, dépendamment de la qualité de la mécanique, seront missionnés. Et ces personnes-là expriment des phénomènes astraux. Donc, puis c'est la personne ici, enfin, en question, elle fait partie d'une série d'individus qui ont écrit des bandes dessinées très intéressantes, qui s'adressent surtout aux adultes. Et ce sont des personnes qui, effectivement, ont une forme de mission. Lui, il le sait probablement. Il y en a qui ne le savent pas, mais qui vont faire des choses similaires. Et ils vont atterrir dans une bande dessinée, une vision spirituelle souvent de mécanique réelle, soit de légende réelle, soit encore qu'ils vont atterrir des phénomènes de l'avenir dans des contextes actuels, colorés quand même par la vision d'individus. Ils sont missionnés et ils expriment des mécaniques astrales, même si la source peut être supramentale, c'est coloré par l'astral. Peut-on avoir un contact conscient avec Dieu sans avoir de guide de lumière, ou sinon, quelle place Dieu a-t-il? Bon, Dieu, on va y revenir dans une conférence au complet, là. On peut avoir un contact conscient avec Dieu, oui. Normalement, les individus vont passer par les couches, c'est-à-dire par un contact avec un guide de lumière, ces choses-là. Mais la majorité des dieux que l'humain va rencontrer au départ fait partie du côté obscur, du côté noir des divinités. Même s'il se présente en blanc, parce que ça se présente toujours de façon à nous plaire, ça ne se présente pas de façon à nous faire peur. Et par la suite, ça va nous rendre service, ça va nous demander des services, et ça va nous imposer des services. C'est un peu comme la mafia. Bon, pas toujours. Mais très aimable avec toi, après ça, on te demande un service. Puis quand tu commences à faire le service, ben après ça, ben là, écoute, tu nous dois des choses. Puis vu que tu t'es trempé un peu là-dedans, si tu veux pas qu'on en parle, ben là, tu vas faire toute affaire. Puis il y a un moment donné que ça peut devenir assez noir. Si tu veux t'en sortir, là, ça peut être extrêmement poignant. Mais on va revenir sur les divinités, parce qu'il y a, des divinités qui sont extrêmement intéressantes. Et il y a un phénomène que l'humain peut appeler « père » ou « mon père » qui est vachement intéressant. Ou bœufement intéressant, disons, pour rester dans le masculin. Et on va revenir là-dessus dans quelques semaines. Mais une personne peut, mais encore une fois, ça sera trop long à expliquer les pièges et les dangers qui attendent un individu qui a besoin de rencontrer Dieu. Que doit-on faire pour empêcher la glande pituitaire de rétrécir le thymus chez l'adulte? Ne jamais devenir un adulte. C'est la première chose à faire. Bon, le thymus, tout le monde sait ce que c'est, n'est-ce pas? Tu en manges tous les soirs? Presque. Un soir sur deux, disons. C'est une glande endocrine qui, chez l'enfant, fonctionne bien pour le préserver et elle se calcifie progressivement, donc elle finit par être de moins en moins fonctionnelle à partir de l'adolescence, en s'en allant jusqu'à la mort. L'humain doit redevenir un enfant. Quelqu'un a déjà dit ça quelque part, hein? Ici, je pense. Ça dit d'ailleurs aussi. Et chez l'enfant, la glande pituitaire, la glande pinéale, fonctionne à merveille. Et ça va faire en sorte que tout le système endocrinien de l'enfant est opérationnel, sauf qu'au niveau des glandes sexuelles, ça ne sera pas aussi développé et aussi fonctionnel que chez l'adulte. À l'adolescence, le contexte endocrinien sexuel commence à évoluer, à se réveiller, et progressivement commence à endormir certaines glandes au niveau du cerveau. Quand l'être humain arrive à avoir un contact avec son énergie supramentale, un contact avec son esprit, quand l'humain arrive à concevoir son ajusteur de pensée, qui va finalement souvent être la carcasse toujours solide de ses premiers guides, quand l'humain est en contact avec son ajusteur de pensée et que l'humain parvient à entrer en contact avec son esprit, à se centrer dans son intelligence, progressivement, la glande pinéale recommence à fonctionner, l'hypophyse va recommencer à être assujettie, le thymus va recommencer à rajeunir, et là, normalement, on aura donc un processus de rajeunissement du corps physique. On ne parle pas nécessairement d'un rajeunissement en grandeur au départ, en quantité, mais en qualité, oui. Alors, c'est la seule façon de refaire travailler ces glandes, c'est d'entrer en contact avec l'intelligence supramentale, donc d'entrer en contact avec l'esprit, et d'appliquer ce que l'intelligence nous demande d'appliquer. J'ai une très forte intuition que j'ai plusieurs guides qui communiquent avec moi régulièrement. Est-ce simplement des entités qui me manipulent au travers de l'ego, ou si ce sont des guides avec qui je suis assujetti? Bon, premièrement, on parle d'entité. Un guide de lumière est une entité, ce qui fait qu'en partant, ça s'est réglé. Et si la personne pense que ce sont des guides, ce sont probablement des guides. Est-ce que ce sont des guides déchus? Ça se peut. C'est-à-dire des reliques de guides qui ont laissé d'autres personnes et qui viennent voir les individus qui en cherchent. Et ça peut être aussi simplement une pluralisation de sa vision d'un seul guide. Ça peut être plusieurs guides. Et il faut simplement, encore une fois, faire attention à ce que ça nous conseille ou à ce que ça nous dit. C'est-à-dire que c'est la problématique chez l'humain, parce que vous ne devez faire confiance à rien. Mais si vous n'apprenez pas à la base à faire confiance aveuglément, vous n'irez nulle part. Alors, ça crée un problème. Alors, toi, un jour, tu as fait confiance aveuglément à certaines choses. Et tu t'es fait casser la gueule solidement. Non, pas seulement aveuglément. Bon. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que si tu n'aurais pas fait confiance à ça, tu ne m'aurais pas connu. Et tu aurais eu peut-être des problèmes. Ah oui. Parce qu'il a dit, il ne pourra jamais vivre. Ouais, c'est ça. Bon. Des pires. Donc, la personne, elle doit croire au maximum pour pouvoir parvenir jusqu'à la désillusion de la croyance. Elle doit faire confiance pour arriver à la désillusion de la confiance. Et on n'est pas capable d'être désillusionné de la confiance si on n'a jamais eu confiance. Il y a deux types d'individus qui ne se battent pas quand on les attaque. Les non-violents, puis les pissous. Alors, une personne peut dire, non, écoute, moi, je ne me défends pas parce que moi, je suis un non-violent. C'est peut-être parce qu'elle ne peut pas se défendre. Alors, au lieu de l'admettre, tu admets que tu es un non-violent. Quelqu'un qui suit des cours d'art martial et qui arrive à être ceinture noire en karaté et qui est un champion dans les compétitions et qui, à un moment donné, va accepter de ne pas trop être agressif sur la rue, lui, peut-être qu'il est non-violent. Celui qui se dit, moi, là, je me suis pas servi d'arme parce que je suis un non-violent. Non, c'est parce que tu ne l'avais pas. Celui qui en a une arme et qui ne s'en sert pas, il est peut-être un non-violent. À moins que c'est comme toi. Il y a une arme, mais c'est pas que t'as fait le bon à tir, en tout cas. Bon. Alors, c'est des mécaniques, il faut qu'on fasse attention. Ce qui fait que l'être humain, une chose qu'on doit comprendre simplement, c'est que l'être humain va parvenir à voir clairement, à comprendre, à se désassujettir de toute une panoplie de mécaniques, seulement si, ben, simplement et facilement, lorsqu'il va commencer à mettre en pratique des schémas philosophiques qu'il connaît depuis l'Antiquité, même depuis l'Antique Antiquité. Bon, quand l'humain va commencer à exprimer des schémas philosophiques que, qu'on reconnaît. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont restées, et on va dire, c'est parce que, comme dans la Bible, ou comme dans d'autres livres sacrés, ou chez des poètes, on va dire, tu sais, ça devait être important, c'est resté après des milliers d'années. Pourquoi c'est resté après des milliers d'années? Pas parce que c'était important. Ils ont mis des millions de mots. Mais il y a des choses que l'humain sait intuitivement de vie en vie. Et ça, quand tu retrouves ça dans ces livres-là, il se dit, c'est ça. Puis là, hey, ce livre-là, il est bon, maudit. Pourquoi il est bon? Parce qu'il vous dit que vous êtes beau. C'est pour ça qu'il est bon. Parce qu'il confirme des choses qu'on sait intuitivement de naissance en renaissance. Quand l'humain va être capable d'appliquer ces choses-là, qui sont faciles, je vous parle souvent, moi, d'être joyeux, hein? Je vous parle souvent de transparence, d'anégoïsation, de simplicité. On parle de plusieurs choses. Et on va dire, oui, mais ça, c'est des discours qu'on a entendus depuis des milliers d'années. Une chance qu'on les répète, parce que ce sont les discours clés. Bon, alors, tant qu'on n'est pas prêt à les appliquer, bien, on doit au moins en parler. Comme ça, on les ramène avec nous autres. Et à travers le temps, bien, on retrouve des livres, et puis on se dit, hey, c'est-tu génial, c'est le gars qui écrit, puis c'était en 1600, ou en 844, ou en moins 3028. Le gars devait être génial. Pourquoi? Parce qu'il écrit ce que vous savez. Est-ce que vous vous retraitez de génie? Oh non. Vous êtes couci-couça. Mais le gars qui écrit ce que vous pensez, ah, ça c'est un génie. Vous voyez la nuance? On a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour confortablement nous supporter. Alors que si on est d'accord avec ce qu'il a écrit, c'est qu'on le sait. S'il est génial, nous sommes génial. Pas besoin d'être génial. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas donner une qualité à quelqu'un. Si vous me trouvez génial parce que je vous explique ce que vous savez, ben en partant, vous êtes au moins aussi génial que moi pour comprendre ce que je vous explique. Et sinon, ça ne peut pas fonctionner. Alors, l'humain doit, il y a tellement de simplicité à un moment donné à descendre sa planète, tout ce que vous avez à faire, là, c'est d'appliquer instantanément, immédiatement ce qu'on a à faire. On va y revenir de temps en temps, de toute façon, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on mette un peu plus d'énergie dans la mécanique, là. Mais c'est tellement mieux, ça. Quand aura lieu la rencontre des actionnaires du groupe financier Investors 2000 pour le bilan annuel? Pour ça, il faudrait demander ça au comptable. Moi, je ne suis pas au courant de ça. J'ai fait un... Puis, je vais quand même en profiter pour en parler de quelque chose. C'est qu'il y a des égos, et là, je comprenais bien que je parle correctement. Il y a des égos qui sont supportés par une imbécilité telle qu'ils n'oseront pas téléphoner. Ils peuvent assister à des réunions du conseil d'administration à volonté. Ils téléphonent avant pour avoir 45 personnes dans la salle, mais jamais ils vont le faire. Par contre, ils vont être chez eux à s'inquiéter, à se poser des questions, à s'idiotiser, ça veut dire parler en noir, en mal, se faire des problèmes, et puis à être inquiet. Alors, ce qu'ils ont à faire, c'est de prendre le téléphone, appeler, parler, demander les bonnes personnes simplement, ou quand est-ce qu'il y a une prochaine réunion, puis venir. Et la majorité des individus ne font pas ça. Ils préfèrent, mais on parle d'égo, on ne parle pas de l'individu dans son intelligence. Ce que je vous explique simplement, c'est que vous avez de l'intelligence. Servez-vous-en donc un peu. Il y en a plusieurs qui ne s'en servent pas suffisamment. Je le sais, il y a des inhibitions, il y a des peurs, il y a un paquet de raisons. Sauf que, pourquoi je dis qu'il y a des égos qui sont supportés par une imbécilité, c'est que je veux brasser un petit peu l'égo, là. Quand on est rendu qu'on pose une question dans une conférence, alors que ça ne me regarde absolument pas, on pose une question sur le truc, tu sais, tu as 365 jours, 24 heures pour pouvoir être des répondeurs, pour pouvoir faire ça. Tu peux assister à des réunions, tu peux téléphoner, tu peux rencontrer des gens, et puis la personne devrait faire s'inquiéter pendant un an de temps pour se servir à poser une question dans une conférence. Il y a une problématique. La personne ici, elle utilise probablement 1% de tout son potentiel pour en être rendue à faire ça. Et là, je ne veux pas critiquer la personne, je veux qu'elle se réveille. C'est pas la même chose. Je veux que vous compreniez bien l'idée. Parce que ça devient problématique à un moment donné. C'est comme si vous achetez une automobile et elle fonctionne mal, ça fait que vous appelez dans un ligne ouverte à la radio là, pour parler à votre vendeur. Lui, il va dire, écoutez, Bert, venez me voir, vous avez qu'à venir me dire, prenez donc le chemin qu'il faut, puis allez-y. Ah, mais je sais ce que j'allais me dire. Bon, mais venez pas me voir, puis il parle à la radio, il vous a jamais rien. Je sais pas, moi, vous... m'appelle à la radio, m'a dit, la personne qui a appelé tout à l'heure, là, qui a vérifié dans son frein gauche, là, à la radio, elle est ici, là, tu sais, là, puis... Là, il y a 50 000 personnes qui vont vérifier le frein, parce qu'ils savent, sont collectifs, ils savent pas c'est qui ils parlaient. C'est qui la personne ressource? La personne ressource pour l'investisseur, c'est qui? C'est Michel Deschamps, surtout. Il ne donnera pas toutes les informations comme ça, là. Mais normalement, c'est que si la personne le laisse... dit ce qu'elle veut, puis elle laisse un message, il y a nécessairement quelqu'un qui veut le rappeler. J'ai fait un rêve. L'air de... C'est bon. C'est bien. L'air de la planète était irrespirable. C'était pas comme ça. C'était pas un rêve. Réveillez-vous pas. Je devais mourir. Ah oui? J'espère que là, c'est un rêve. J'ai crié... On va arrêter, là. On recommence. J'ai fait un rêve, l'air de la planète était irrespirable, je devais mourir. J'ai crié, qui est ce créateur qui nous laisse tous crever? Une petite lumière dorée, ah, c'était à Montréal. C'est ça qu'elle avait entendu. Oh, oh, oh, oh, oh. Le drapeau depuis là, c'est une petite lumière dorée. Une petite lumière dorée apparut dans le ciel. Je ne fus ni fasciné ni ébloui. Elle disparut et je fus tiré vers le haut. Entré en moi-même, je passais dans une autre dimension. Je me retrouvai couché par terre dans une pièce vide. Je sortis dans un couloir vide, comme dans les immeubles. Un personnage seul parlait dans une pièce. Il avait un corps humain, mais un visage impersonnel. Il avait des traits sans en avoir. Il me dit, « Tu es ici en transition. L'humain ne peut continuer sans arrêter ici. D'autres que tu connais viendront te rejoindre bientôt. » Par une fenêtre, je voyais la terre entourée de fumée. Qui était-il? Où étais-je? Pourquoi ne puis-je l'oublier? Est-ce que vous avez suivi un cours pour comment développer la mémoire? Votre rêve est un rêve prémonitoire. Ça peut être une prémonition de l'avenir de l'individu. Ça peut aussi être une prémonition de l'avenir de d'autres individus, pas nécessairement la personne. Donc, c'est pas nécessairement un rêve prémonitoire qui concerne l'individu ici. Effectivement, il y a à un moment donné, il y a des possibilités, n'est-ce pas, dans les futurs possibles planétaires, que dans quelques années, la Terre soit plus ou moins irrespirable. C'est pas la Terre, disons, mais l'atmosphère de la Terre, hein, avant qu'ils me reprennent. Et il y a des individus qui vont être amenés. On va en reparler un peu, à un moment donné, de cette mécanique. Dans l'évolution, dans l'initiation, on peut parvenir à s'en sortir en abandonnant le corps physique. Le corps meurt. On peut parvenir à s'en sortir juste à un point qu'on est capable d'amener avec nous, dans notre mort, le corps physique. Donc, on va faire un corps de lumière, ce que le Nazaréen a fait. Et on peut aussi parvenir à s'en sortir sans que le corps ait à mourir. Moi, je préfère celui-là. C'est ce que je propose. Mais évidemment, c'est bon. La personne, ce qu'elle voit, c'est qu'elle voit différents prototypes de salut. La mortalité du corps, bon, elle voit une lumière. La lumière, c'est un guide, c'est un phare. Ça peut être son double éthérique. Dans l'explication qu'elle donne là, la lumière semble être beaucoup plus un canal. Et on pourrait faire un rapprochement entre une mécanique et une intervention extraterrestre. C'est que la personne se ramasse dans un endroit de transition où elle rencontre une personne impersonnelle, probablement parce qu'elle n'a pas suffisamment d'informations pour être capable de personnaliser l'individu. Et l'autre lui explique que pour continuer, il faut que tu restes ici un bout de temps. Par imprégnation, et le temps aussi qu'on restaure des mécaniques planétaires, il y aura un temps. Et un peu plus tard, on ramène les individus simplement là. Elle voit la Terre, cela veut dire qu'elle est en orbite, donc on fait référence simplement à un astronef. Quand on parle de mécanique extraterrestre, très souvent, il y a des personnes, évidemment, qui en parlent au Québec, par les extraterrestres à moustache surtout, et ces personnes-là, souvent, ont été un petit peu attaquées par tout le monde. La science sait très bien qu'on ne pourra jamais prouver que les extraterrestres n'existent pas. Et Elle essaie par contre d'infirmer les preuves de leur existence. Depuis le début des temps, dans les autres livres qu'on a connus, on parle d'extraterrestres. Moi, à un moment donné, dans la forêt vierge du Petén au Guatemala, j'ai découvert une espèce d'enclos en pierre. Il y avait une stèle en plein milieu. Et sur la stèle, on voyait très, très bien un Maya, un prêtre, qui était à peu près à 6 pouces du sol. Il avait les deux mains sur des manettes. Puis dans le dos, il y avait tout un attirail avec, on voyait le feu sortir en bas, qu'il maintenait dans les airs. Puis ça date quelques années quand même, les Mayas. Et on a des preuves depuis longtemps. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que les personnes, souvent, comme dernièrement, il y avait un reportage de la télévision avec le voleur de jacket, comment? Charlon. Avec Claude Charlon, voilà. Et Claude... Ça ne paraît plus, on a oublié ça. Bon, il a bien changé le bonhomme, hein? c'est vraiment appris de même. Hein? Il était bien manipulé, maudit. Alors, il rencontre des individus, justement, qui croisent extraterrestres, puis là, il va interviewer les sceptiques du Québec. Ça, je pense que les sceptiques du Québec, c'est la plus belle insulte qu'on a pu faire aux Québécois. Parce que eux, ils sont pas sceptiques, ils sont convaincus. C'est très différent. Je les ai rencontrés, les sceptiques du Québec. Ils sont pas sceptiques, ils sont totalement convaincus que tout ça n'existe pas. Alors, c'est pas sceptique, ça, là. Quelqu'un qui est sceptique, c'est quelqu'un qui doute. Eux ne doutent pas, ils sont certains. Et leur travail est de démolir tout ce qui a trait au paranormal, au surnaturel, aux extraterrestres, ou à ces choses-là. Alors, il y a des personnes qui vont... Et là, ça devient aberrant. Pourquoi? Parce que tu vas dire simplement, dans l'absurdité, tu peux facilement dire, écoute, tu sais, ça peut être une illusion collective. Alors, toi, tu vas répliquer en disant, ben c'est oui, mais l'autre fois, tu me disais que la télépathie n'existait pas. Alors, c'est une illusion collective. D'accord, ce cobalent n'existe pas, mais il faudrait au moins que tu dises que la télépathie existe. Ah, ben non, là, ils sont sceptiques. Mais ils vont t'expliquer qu'il y a de la télépathie, ça se peut pas. C'est un hasard. Ben, hasard collectif, ça veut dire que l'humain n'a pas des barbites, puis il est fourré dans une destinée. Ah non, eux autres, absolument pas. Ah non, non, non, ça va continuer. Eux, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont t'expliquer simplement qu'avant de commencer à chercher des preuves extraterrestres, il faudrait qu'on commence à trouver des preuves réelles, tu sais, des preuves concrètes. C'est ça. Donc, dans la même émission dont tu parles, il y avait un scientifique qui disait que le gazon qui avait poussé au milieu d'un cercle où il y avait eu apparemment une soucoupe, il y avait une telle densité de chlorophylle, de puis de protéines, tout ça, et puis qu'à l'extérieur du cercle, c'était bien différent, puis même le chercheur disait, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais non. Lui, c'est un scientifique. Puis l'autre va dire, c'est simplement, vérifiez vos appareils. Hum. Tu sais, c'est... Mais ça... les sceptiques servent quand même à pousser oui, plus loin la recherche. Les sceptiques, c'est une fausse, ils vont ramasser tous ceux qui... Mais oui. Ils ont une utilité, mais n'empêche que c'est un problème. Quand on parle d'extraterrestres, moi j'en ai rencontré, j'en ai vu, j'ai bon, plein de choses, et il y en aura de plus en plus d'interventions. Dans les années à venir, il y a des individus qui auront des contacts directs avec des mauvais, avec des extra-intraterrestres, et avec des extraterrestres qui viennent de l'avenir, qui sont la réincarnation de nos descendants à nous. En tout cas, on va en reparler. La personne, ce qu'elle a probablement rêvé, là, c'est un rêve prémonitoire, un peu coloré, mélangé, il manque d'informations, de l'enlèvement, on peut dire, d'un individu, placé dans un contexte temporairement où il va être en attente, il lui manque plein de données dans son rêve, et par la suite, bon, la Terre est polluée, elle est en feu ou elle est toute noire, et par la suite, l'individu va être rapatrié, reterrestrifié. Bon, on sait depuis... Vous savez, c'est de l'illusion. La majorité des vaches qui ont été enlevées ou qui ont été opérées, ça a toujours été au niveau des sens ou encore au niveau des organes sexuels. Bon, la majorité des femmes enlevées en Union soviétique, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, partout, c'est des femmes qui sont enceintes, la majorité, ou qui vont accoucher. Et la minorité des femmes non enceintes qui ont été enlevées étaient enceintes après. Sous l'effet d'Esprit Saint, là, elles étaient enceintes après. Et ils avaient un deuxième enlèvement avant d'accoucher. Et très souvent, quand on les retrouvait, ils avaient fait une fausse couche, il y avait le bébé depuis là, il ne se rappelait plus de rien, une amnésie temporaire et même, disons, permanente, mais localisée dans le temps, on les a avortés pour récupérer le bébé qu'on avait ensemencé chez elles. Et ça, dans tous les pays, les personnes vont revenir avec des faits similaires. Et là, on a des sceptiques qui vont venir nous dire que ça, là, il ne faut quand même pas pousser. Et comme je le dis souvent, moi, un homme et une femme couchent ensemble, là, l'un sur l'autre, et par la suite, il va avoir un bébé. Ben, allez voir les sceptiques, ils vont vous dire que ça se peut pas. Tu sais, là, ils vont vous dire, niaisez-moi pas, là, tu sais. Tu sais, un homme et une femme, ils se touchent un peu, puis après ça, ils sortent un bébé. Puis le bébé, ben, il mange plus à l'homme, puis il grandit, tu sais. C'est pas. Oh, une minute. Oh. Alors, c'est ça. Il y a énormément de choses qui sont là, qui sont évidentes, puis l'humain devra de plus en plus apprendre à y toucher. Et la personne, elle, c'est qu'on la prépare. Ou simplement, elle a eu par inadvertance un contact avec des mémoires dans l'onde astrale qui sont en train de se préparer pour former des individus. Vous dites qu'un couple a le coup de foudre sur le bateau et qu'ils se sont séparés par la suite. Était-ce le coup de foudre ou la séparation qui était la manipulation? Serait-il ensemble aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette manipulation? Oui, ils ont eu le coup sur le bateau, puis ils ont eu la foudre après. Hein. Non. L'être humain est manipulé en masse. Quand une personne, bon, si les deux personnes n'auraient pas été manipulées, il n'y aurait pas eu de coup de foudre. Parce qu'un coup de foudre, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. C'est comme tout ce que vous aimez, tout ce que vous détestez, c'est pas vous qui avez choisi. Vous aimez ou vous n'aimez pas. Et puis ça finit là. Vous n'aimez pas le bleu, vous décidez de ne pas aimer le bleu, non? Voilà, c'est simple. Vous aimez les bananes, vous décidez d'aimer les bananes, non? Ben c'est comme ça. Alors les personnes ont eu le coup de foudre à un moment donné parce qu'elles se sont fait ramasser dans un espèce de grand trou d'énergie qui les a totalement ramassés ensemble. L'univers a été coupé autour d'eux. Il y avait un eux deux. Et puis, ben voilà, ils se sont rencontrés, c'était parfait. Jusqu'à un jour où, à un moment donné, ben, le coup de foudre s'estompe. Maintenant que vous êtes suffisamment cimenté, là, vous êtes capable de souffrir, le coup de foudre s'en va, puis démerdez-vous. Il y a un professeur que j'ai connu quand j'étais jeune qui me disait, il se vantait comme ça, il disait que lui, quand il avait rencontré sa femme, là, c'était le coup de foudre. Ça a duré 6 mois. Ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, puis maintenant qu'il n'y a plus le coup de foudre, bien, à travers les 15 ans, il a appris à l'aimer. Mais c'est quand même vrai, le coup de foudre, c'est pas de l'amour. C'est une manipulation extrêmement puissante pour obliger deux individus qui ne s'aimeraient pas à être ensemble. Puis à un moment donné, le coup de foudre, il s'en va. Parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin de coup de foudre. Et ça décolle, et puis là, tu te retrouves avec ta femme ou le bonhomme, puis voilà. Que tu apprends à l'aimer ou à l'haïr. Et c'est des manipulations. L'humain est totalement manipulé. L'humain n'a absolument aucun libre-arbitre. Et puis, ces individus-là non plus. Pourquoi je m'arrache les cheveux? Tu dois... Ça va me ressembler. Ça, on l'a dit, tu dois savoir ça. Là. Est-ce une possession ou simplement des mémoires réincarnationnelles? Explique comment me libérer. Et quelle est cette mécanique? On commence à se libérer, c'est facile. Eh oui, quand j'aurais plus de cheveux, ça fait plus. C'est nécessairement une possession. Vous voyez, on peut jouer souvent avec les mots, puis à un moment donné, il faut clarifier certains mots. Qu'est-ce que c'est qu'une possession? Une possession, c'est tout ce qui rentre à l'intérieur d'un contenant et qui n'est pas supposé être dans le contenant et en entrant à l'intérieur, prendre le contrôle du contenant. Qui êtes-vous, vous autres? Alors, on peut dire, ben moi, je suis une personne qui est colérique. Et si je vous pose la question, êtes-vous heureuse d'être colérique? La majorité vont répondre non. Alors, on peut dire, pourquoi êtes-vous colérique si vous n'aimez pas ça? Ah, ben je suis fait de même, c'est plus fort que moi. Si c'est plus fort que vous, en partant, ce n'est pas vous. C'est une possession. Mais l'humain va avoir peur du mot « possession ». Parce que possession, souvent, ça va faire référence aux archétypes bibliques. Un possédé, c'est quelqu'un qui est totalement bien mal à manger. C'est quelqu'un qui bave, qui urine, puis qui boit ça, tu sais. C'est quelqu'un qui fait des crises d'épilepsie. C'est quelqu'un qui a des gros problèmes. Un possédé à l'époque biblique, donc à l'époque archétypale, dans la tradition, c'est comme quelqu'un qui avait la lèpre, ou le sida, qui est la lèpre de la cinquième race mère. De la finalité, c'était des impurs. Un possédé était un impur. Alors, nécessairement, quand on parle de possession, on parle toujours de quelque chose du genre. Toutes les personnes qui sont dans des asiles psychiatriques sont des êtres possédés. Tous les individus qui sont angoissés, qui s'inquiètent, qui s'ennuient, qui sont malheureux, qui ont peur, qui désirent, sont des êtres possédés. Donc, tous les individus à l'extérieur des asiles sont aussi possédés. Exact. Oui, mais à l'intérieur des asiles, là, ils savent pas sont dans l'asile, eux autres. Eux, ils pensent sont corrects. Dehors, l'asile. Ils sont protégés de nous autres. Peut-être c'est si bien comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une possession? Une possession, c'est simplement ça. Je dis souvent que les personnes se lèvent le matin, puis ils veulent aller dehors, puis ils se rendent compte qu'il pleut, puis ils se mettent à chialer. Ils sont possédés. Tu sais, ils sont faits à l'os. Alors, quand on parle ici encore, bon, est-ce que c'est une possession? Est-ce que c'est ceci? Ben oui, ce sont des possessions. La personne s'arrache les cheveux, ça peut être une mémoire incarnationnelle, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Qu'est-ce que vous avez à foutre à perdre votre énergie, à tirer sur vos cheveux? Rien. Donc, c'est une possession. Il y en a qui grugent les ongles. Après ça, ils grugent les ongles des autres, tu n'en plus. C'est bon. C'est une possession. Mais ça, si la personne se met à faire ça pour arracher les cheveux, arracher les cheveux des ongles, je suis pas sûr que... Comment on fait pour casser une possession? Bon, il y a différentes façons, évidemment. Il y a laquelle tu veux? La meilleure. La plus efficace. Mais là, c'est deux choses différentes. OK. La plus efficace. Ça dépend encore des individus. La meilleure d'abord. Ça dépend aussi des individus. Pour casser une possession, si on veut faire ça d'une façon ascensionnelle, douce, tout ce qu'on a à faire, c'est se dissocier des choses qui sont faites par notre corps et qui ne sont pas reconnues par notre intelligence. Donc, être capable de discerner entre ce que nous sommes et tout ce que nous ne sommes pas qui s'exprime chez nous. Ça va déjà éliminer la culpabilité puis éliminer un paquet de choses. Donc, conserver nos énergies pour nous-mêmes. L'autre façon, c'est une colère mentale. Donc, tout auto-exorcise. L'autre façon, c'est un exorcisme. Souvent, les gens, ils parlent des exorcistes. C'est les prêtres ont peur maintenant des exorcistes. C'est normal, parce que si les prêtres commenceraient à exorciser, il faudrait qu'ils exorcisent trois fois l'église. Bon. Mais n'empêche. Alors, ils ne veulent plus. Alors, on parle d'exorciste. Le psychologue est un exorciste. C'est ce qu'il fait. Il exorcise. Le psychiatre, lui, c'est un exorciste aussi. Peut-être un exorciste chimiste, mais c'est un exorciste. Bon, alors on rencontre un thérapeute, on parle à un individu à un moment donné, puis il peut arriver à extirper le mal qu'on a chez nous. C'est un exorciste. Sauf que, parce que, et c'est correct, parce que dans l'évolution ascensionnelle, on arrive souvent à être inhibé en face de la religion, alors on va refuser un exorciste religieux qui fonctionnerait à maudit. Le problème de l'exorciste religieux, c'est ce qu'on va vous ôter chez vous. On va le remplacer par un égrégore de la religion. Alors vous allez être libéré de votre manie de vous arracher les cheveux, mais vous allez avoir besoin d'aller à l'église le dimanche. Bon, l'humain reste possédé par quelque chose de mieux. Alors, comment on s'en débarrasse? La première chose à faire, ça serait de travailler chez soi pour se rendre compte que ce n'est pas nous. Donc, accepter l'idée qu'effectivement, on est possédé. Il faut comprendre une chose. Ça serait toi qui devrais dire ça. Normalement, c'est comme ça que tu es, oui. Moi, je dis qu'on est possédé, toi, tu dirais, écoute, en réalité, on n'est pas possédé. L'ego ne possède pas. C'est l'intelligence qui est nous possédée. J'aurais dû dire ça, moi. Oh, oui. C'est moi qui devais boire. Ce que je veux dire simplement, c'est que si vous êtes possédé par la peur, elle va vous contrôler. Si vous êtes possédé par l'ennui, il va vous contrôler. Si vous êtes possédé par la jalousie, ça va vous contrôler. Si vous êtes possédé par paquet de choses, tout ça, ça va vous contrôler. Sauf que l'humain qui décide de dire, écoute, je ne suis pas possédé par ça, c'est moi ça. Ah bon. Alors, vous n'êtes plus possédé par la peur, vous n'êtes plus possédé par l'angoisse, mais un jour, vous serez possédé par de l'intelligence. Si vous êtes l'intelligence, vous êtes possédé par l'absurdité astrale. Si vous décidez que vous êtes de l'ego, si tu décides que c'est toi qui aimes fumer, alors tu es possédé par l'intelligence. Si tu décides que c'est toi qui aimes ça, être orgueilleux, avoir peur de te présenter devant les gens, ou de demander qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, alors tu es possédé par de l'intelligence. Mais si vous êtes intelligent et intelligente, puis vous trouvez que c'est stupide d'être pogné comme ça, alors vous êtes possédé par de l'ego. Dépendamment du facteur, s'il y a suffisamment d'intelligence exprimée chez vous, là, tu vas commencer à en avoir ras-le-bol, pas d'être intelligent, de voir clair. Tu vas commencer à en avoir ras-le-bol d'être pogné, de croire à des choses où tu te fais ramasser, de découvrir que tu es encore en train de gueuler pour rien ou en train de chialer ou en train de plaindre. Là, vous faites l'intelligence, donc l'esprit est atterri, c'est vous. Et vous reconnaissez qu'il y a une possession du véhicule terrestre, de l'ego, du corps. Si vous n'êtes pas encore capable de concevoir que vous êtes de l'intelligence et non pas de la mémoire d'expérience, mémoire expérientielle de votre vie ou de vos vies, bien là, nécessairement, vous allez dire, « Moi, je t'ai carré de voir clair comme ça. » Là, vous êtes possédé par de l'intelligence. Si vous voulez exorciser l'intelligence, c'est facile. Vous vous droguez, vous vous alcoolisez, c'est facile. Oui, mais l'intelligence, ça ne sera pas faire ça. Ça que... Si tu es joué dans le début, il n'y a pas de problème. Toi, t'es trop tard. C'est ça. T'es trop tard, c'est pourquoi? Non. Pas parce que l'intelligence ne te laissera pas le faire. Parce que toi, tu ne te laisseras pas le faire. D'accord avec ça? Oui. Parce que maintenant, tu as l'intelligence. C'est ça qui est la nuance. Mais t'es quand même pris dans un... T'es possédé pareil. T'es possédé, comme tu dis, par l'intelligence ou si t'es l'intelligence, c'est possédé par l'ego ou l'inverse. Quand t'es pas réveillé, t'es possédé par l'intelligence. Quand t'es réveillé, t'es possédé par l'astral. Puis quand t'es réveillé, tu te rends compte que t'es possédé sur deux bords. Non, parce que t'es l'intelligence. C'est quand tu te réveilles que tu te rends compte que t'es possédé sur les deux côtés. Le réveil, c'est ce qui est le plus dur. Entre le rêve et la réalité. Je vois encore ce que je mets dans mon rêve. Je commence à voir ma mère qui me disait à l'école. Là, puis là, en même temps, je vois les deux, puis là, la souffrance, elle est là. Où je vais? Je me réveille ou je me rendors? Il y en a qui se rendorment. Il y en a qui se réveillent. Entre les deux, c'est un peu plus problématique. C'est pour ça que c'est préférable de passer rapido. Alors, les individus qui sont intelligents doivent comprendre qu'ils sont possédés. La personne ici s'arrache les cheveux, et bien, c'est ça, qu'elle se trouve des façons de cesser de s'arracher les cheveux, ou qu'elle s'en fout, qu'elle continue à se les arracher. Mais ce qui est important, c'est qu'elle découvre au maximum, parce que le cheveu n'a rien à foutre, les cheveux, ça prend de l'énergie sans arrêt, ça coûte de l'argent, en plus, il faut faire couper, bon, pas besoin de ses cheveux. Mais, la personne, ce qu'elle devrait apprendre, c'est à discerner chez elle ce qui est, elle, et à reconnaître qu'effectivement, il y a des choses qu'elle fait qui sont totalement hautes. Elle est possédée. Mais elle ne doit pas se sentir coupable d'être possédée. Tous les humains sont possédés. La nature même qui a engendré le règne astral, la psychologie, l'âme chez l'homme, porte un nom très connu, porteur de lumière. Et dans un langage plus précis, ça se prononce Lucifer. L'humain a été créé par Lucifer. Bon. Il est possédé. Alors, n'importe quelle personne qui vient au monde est possédée. C'est-à-dire qu'il est totalement planétarisé. Il est terrien. Il est mortel. Il est un être angoissable, manipulable, chiolable, charriable. C'est un être humain. Alors, on pourra lui faire peur, on pourra le manœuvrer, le manipuler, on pourra le détruire, le faire souffrir, on pourra faire ce qu'on voudra avec lui. Et à un moment donné, c'est une possession. À un moment donné, l'intelligence commence à descendre de là-dedans. Hein? C'est ce qui vous est arrivé. Et l'intelligence en descendant là-dedans, au début, elle commence par voir que c'est tout croche. Et là, l'ego, la possession, va vouloir crier contre. Jusqu'au jour où il y aura suffisamment d'intelligence pour que l'intelligence commence à crier contre. Ça reste une possession. Puis à un moment donné, on arrive effectivement à l'exorciser, on arrive à s'en sortir. Mais il n'y a pas de truc comme ça. La personne, tout ce qu'elle doit faire au départ, c'est de commencer par être capable de supporter l'idée qu'effectivement, c'est pas elle, ça. Et effectivement, qu'il y a une possession. Tout l'ego d'une possession. Et pour résumer, on a à peu près 30 millions de particules qui nous possèdent. Là. C'est pas... Mais s'arracher les cheveux ou faire des phénomènes par lesquels on est. Des actions dans lesquelles on est possédé astralement. C'est encore moins pire que ce qui est arrivé historiquement à tous ceux qui ont été investis purement d'intelligence. Il y en a qui ont été crucifiés, d'autres qui sont fait couper la tête. Donc, tous ceux qui ont été proches de toucher l'énergie supramentale de façon pure ont été détruits physiquement physiquement d'abord. Et puis, on est rendu dans un temps où quand on est transitif, si on se fait plus charrier du côté astral ou on s'abîme plus du côté astral, quand on commence à être un petit peu plus d'un côté de l'intelligence, on se fait frapper d'une façon aussi dure. Est-ce que les corps génétiques, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de supporter l'intelligence? On est capable. Voyez-vous, c'est que l'évolution, c'est... Ça crée des problèmes, comme tu viens de dire là. C'est qu'on on est... Les corps physiques ne sont pas vos corps, le mien. Les corps physiques planétaires, les meilleurs corps physiques, du point de vue neuronique, du point de vue cérébral et endocrinien, ne sont pas capables de supporter la transition. Ils sont très capables de supporter l'homme nouveau, la femme nouvelle ou l'enfant nouveau, très capables de supporter l'homme ancien, la femme ancienne, l'enfant ancien, mais ils ne sont pas faits pour supporter la transition. Pas entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu commences à transiter... des niaises. Parce que si tu tires ça, tu vas être malade, tu vas mourir. Alors, quand tu commences à transiter, des niaises. L'autre côté, pas de problème. Ce côté-ci, c'est exactement comme vous ne savez pas nager. Vous partez d'une barge à un paquebot. Hein? Le Queen Elizabeth II. Bon. Alors, vous partez, disons, de l'Adour qui flotte au Queen Elizabeth II. Sur la barge, vous êtes correct. Sur le Queen Elizabeth II, on est correct. Mais pour nager entre les deux, là, il ne faut pas qu'on prenne trop de temps, c'est pas trop nager. Puis il y a des requins en masse. Ça, c'est la transition, ça, là. Mm-hmm. Fait que la personne qui va bien mollo, parce qu'elle s'en va un peu, puis elle se dit, elle arrête, elle retourne, elle regarde sa barge, puis elle se dit, il semble qu'on aurait pu l'amener que nous autres. Puis elle avance un peu, puis elle revient voir sa barge, puis elle repart encore. Bien là, la transition est longue. Très dangereuse, c'est pas nager, c'est bon. Elle n'aura pas l'énergie pour le faire. Alors, il n'y a pas de... Physiquement, vous êtes tous prêts à être dans l'ère nouvelle, sauf que la transition, non. Et la transition, c'est ce qui va le faire, ce qui va faire le plus de mal à l'individu. On n'est pas... Imaginez-vous bien que c'est ça. C'est que l'humain, dans toutes ses structures, il n'est pas bâti pour souffrir. Alors, il souffre depuis tout le temps. Pourquoi? Parce que justement, il n'est pas bâti pour souffrir. Alors, si on n'est pas bâti pour souffrir. La souffrance, elle est donnée à un règne planétaire d'évolution mécanique. C'est même pas volontaire. Il n'y a aucune entité dans l'intelligence qui veut faire souffrir l'humain. Sauf que nous sommes assujettis dans un carcan très archaïque. On parlait tous les deux, à un moment donné, de quelque chose. Hein? Tout à l'heure, en haut, c'est au septième ciel, au septième étage. Et puis, on se dit, à un moment donné... L'intelligence nous parle souvent en nous faisant commettre des erreurs ou en nous rendant malades, enfin en nous faisant perdre de l'argent, des choses comme ça. Et là, on se disait justement tout à l'heure, ce qui serait intelligent à un moment donné, ce serait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se fasse suffisamment relié à l'intelligence pour qu'il puisse venir botter le derrière de l'autre. Parce que, prenons mon exemple, s'il y a des choses, moi, que je ne veux pas comprendre, que je fuis, eh bien, nécessairement, il faudra que l'intelligence, donc moi, en tant qu'être intelligent, je bûche un peu plus dans le corps physique de façon à, si je tire l'ego. Mais je détruis le corps physique. Alors, je devrais, moi, aller voir Charles et m'arranger pour que Charles vienne impérativement me forcer à faire ce que je sais. Ça ne s'est jamais fait. Pourquoi? Parce que les humains ont toujours eu trop d'ego. À l'époque, on était chevaliers tous les deux. Voilà quelques années, n'est-ce pas? On ne pouvait pas non plus. Pourquoi? Parce que si lui serait venu me dire, « Daniel, écoute, cesse de parler de même à telle personne. » J'aurais pris mon gant en métal, puis « snaf! » Là, on fait un duel, l'un des deux qui se tue. Puis tu seras mort. Après. Oh, c'est le bénéfice. Tu sais que la fois que tu t'es battu avec moi, je suis pas mort. Moi non plus. Je t'ai battu. Moi, j'ai cassé du métal, mais toi, tu t'es cassé l'épaule. On recommencera pas, là. On fait la paix depuis ce temps-là. Mais moi, j'avais triché. C'est pour ça que j'avais gagné, remarque. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Alors qu'on non, en mais arrive... en réalité, c'est le problème qui arrive, c'est que on n'autorisera pas quelqu'un d'autre à venir nous dire ou nous dicter une conduite, parce que égoïquement, on a peur aussi que l'autre si on énergise l'autre, il va avoir un onde de retour, un champ de retour, puis là, il va te planter. Moi, ça me dérangerait, disons, pas que lui vienne me parler, mais pourquoi moi, je n'irais pas le botter, y botter le derrière? C'est parce que plus je le monte, plus il va me botter, moi, je monte. Bon. Alors, ce qu'il fait, mais, ça fait partie de l'inconscience. À un moment donné, moi, je vais dire, non, c'est parce que je veux pas y faire mal. Non, je veux pas qu'il me fasse mal. Bon, mais ça, c'est des projections. Alors, on est rendu dans un temps aujourd'hui où on doit développer des hétérodisciplinaires, où on doit justement accepter qu'autrui nous dise. Parce que si c'est pas autrui qui nous le dit dans l'intelligence, on va se le faire dire à coup de matraque sur la tête par notre intelligence. Et là, on va encore recommencer à souffrir. Parce que l'humain résiste qu'il souffre. La souffrance, c'est simplement le refus d'une mémoire à changer. Alors, les corps, l'humain n'est pas fait pour souffrir. C'est la transition qui n'est pas endurable. C'est l'être humain n'est pas fait pour être malheureux. C'est malheureux, hein? L'humain n'est pas fait pour souffrir. L'humain n'est pas fait pour s'ennuyer. Ça détruit, ça tue. L'humain n'est pas bâti pour ça. Alors, à un moment donné, on laisse s'investir chez nous, mais on n'est pas fait, on n'est même pas fait pour être malade. Tu sais, on n'est pas fait pour ça. On fait ça régulièrement, là, parce qu'on est sceptique. On ne croit pas qu'on n'est pas fait pour ça. C'est facile de dire, oui, non, ça te goûte de même. Puis là, c'est une belle raison. Hein. On essaye de nager au Queen Elizabeth, vers le Queen Elizabeth, mais on s'attache, on traîne le radeau avec nous autres. Oui, tu l'as mené avec toi. Alors, l'humain n'est pas fait pour ce genre de phénomène de vie. L'humain passe à travers ça, je comprends l'idée. Mais placez-vous bien ça dans les neurones, on n'est pas fait pour ça. Puis il n'y a pas de volonté divine ou de quelque chose du genre qui punit l'homme, la femme ou l'enfant et qui l'oblige à faire ça. Tous ces dieux-là là, sont des dieux créés par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Ça n'a rien à voir avec les mécaniques de divinité. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un Dieu qui dit à un humain, écoute, faut que tu meurs en tuant quelqu'un, venez me rejoindre. C'est ce que l'islam se fait dire. Il n'y a pas un Dieu qui dit à quelqu'un, écoute, quand on te casse la gueule d'un côté, là, tends la joue le bord pour qu'on commence. Il n'y en a pas un. C'est le même Dieu qui veut se nourrir. Il a besoin, il va dire à une religion, écoute, bûche, tu veux venir me rejoindre. Puis on dit au peuple qui va se faire boucher, parce que si tu bûches, il faut pas que ça se bûcher, laisse-toi bûcher si tu veux me rejoindre. Bon, fait que là, ça, c'est parfait. Mais l'humain n'est pas bâti pour ça. Il n'y a pas de mécanique divine dans l'intelligence qui veut faire ça. Quand Nazarien était crucifié, c'est parce qu'il avait trop d'ego. Bon, on ne parlera pas de Pierre. Pierre, lui, il n'a pas trop d'ego. Pierre, il n'a pas assez d'intelligence, c'est pas pareil. Bon, il y a eu beaucoup d'apôtres comme ça aussi qui sont morts, mais puis il y en a régulièrement sans arrêt. Si on regarde ce qui s'est passé en Irak, au Koweït, etc., tout ça, l'humain n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas la vie de l'homme. C'est ce qu'il vit. Ce n'est pas sa vie à lui. Ce n'est pas la vie des animaux. Les insectes ne vivent même pas aussi merdiquement que l'humain. Bon, ce n'est pas le schéma de l'humain. On est totalement dans un mensonge cosmique, dans une illusion qu'on accepte, qu'on croit, qu'on supporte, qu'on nourrit et qu'on entretient. On est totalement à côté de la Terre. On n'est vraiment pas dans notre bon trou. Et ça, l'humain doit se le mettre dans la tête. Le trou. L'humain doit comprendre l'idée. Pourquoi? Parce que ça ne change pas tout du jour au lendemain. Pour la simple raison qu'on commence par le mental. Après ça, il faudra que progressivement, l'astral, l'ego, reconnaissent l'idée. Et après, rapidement, le vital et le physique vont le faire. Quand je dis souvent qu'il faut utopiser, c'est un peu ça. On doit, dans notre pensée, restaurer la beauté du monde. Pas se missionner à changer les affaires ici, là. Ça ne va rien changer. On doit, dans notre tête, dans notre attitude, dans notre intelligence, restaurer la beauté. Bon, et une fois qu'on n'aura pas en termes spirituels ou en termes de croyance, tu regardes un insecte écrasé, là, puis tu dis que c'est beau, tu les petites patates, hein, il fallait un dieu faire ça. C'est pas ça du tout. C'est absurde un insecte écrasé. On n'est vraiment pas. C'est comme si on était allé au cinéma et nous projette le mauvais film. Fait que tout le long, là, on allait voir, par exemple, un film. On allait voir Jonathan Livingston, le goéland. Là, on arrive, on s'assoit. Et il commence avec, comment ça s'appelle, Elisa, la reine, la gardienne du harem des rois du pétrole. Bon. Là, ça commence. Fait que tu dis, tabarnouche, mais. Tu sais, Jonathan, là, Il aurait pu s'habiller un peu plus. Il s'en va. Là, tout le monde est là à critiquer. Puis à maudire, je le filme, Jonathan de Mixon, le gars est là. Puis quand on voit ça, puis on voit du monde qui se font tuer, puis du monde se font arracher les dents. T'sais. Alors, il y a une fille, elle a pas des belles dents, fait qu'il prenait ses doigts froids, puis il casse les dents. Bon. Puis là, on se tape, Arnouche, c'est ça le paradis. T'as tellement entendu parler de Jonathan, t'as une petite idée, toi, là, tu sais. C'est à un moment donné, là, il décolle, puis c'est un monde parfait, tu sais. C'est un harem, en Arabie Saoudite, d'ailleurs. Mais là, l'humain essaie de comprendre l'affaire, parce que dans l'intuition, dans sa mémoire, il a entendu parler du film Jonathan Livingston. Puis là, ce qu'il projette, c'est pas ça, puis il est trop fermé pour s'en rendre compte que c'est pas ça. Parce que si on dit, ouais, peut-être c'est pas le bon film, ben écoute, regarde mon billet, c'est écrit Jonathan Livingston. Ouais, mais peut-être qu'ils se sont trompés. Ben, oh non, je trompe pas le monde ici, c'est des spécialistes. On s'est fait fourrer quelque part. Puis là, on est là à maudire Jonathan Livingston, le gars est là, à maudire l'évolution, le paradis, tout ça au complet, parce que, regarde-moi ça. Hey, tu regardes le film, c'est totalement, c'est des mœurs, c'est de la violence, c'est pas ça du tout. Ouais, puis il projette l'autre film au deuxième étage, mais on est tout en bas à regarder. Ah ouais, là-bas, j'en ai vu Elsa, la gardienne du harem, puis quand ils voient le film, ils ont tout le goût d'aller là-bas. On a présentement la vie qui a été donnée à l'humain, ou la vie que l'humain finalement a. On est dans un mensonge cosmique total, on est sur la Terre. On est dans le bon théâtre, dans le bon cinéma, puis on ne nous projette pas le bon film. Puis nous, on y tient mordicus. Fais attention, il y a plusieurs salles dans ce cinéma-là, où, mais dans aucune des salles, on projette le bon film. Alors, ce qui arrive, c'est que si on va en Iran, si on va en Irak, si on va au Koweït, si on va en Jordanie, si on va dans ces pays-là, on va se rendre compte qu'ils ont tous, fondamentalement parlant, bon, à un moment donné, on a vu à la télévision des Irakiens qui se rendaient. Ils ne se rendaient pas, les Irakiens. Ils broyaient, puis ils couraient, puis ils allaient embrasser les Américains. Ils sont même rendus à des journalistes. Ben oui. Ils se rendaient. Puis, alors, il arrive quoi? Il arrive que, tu sais, les maudits Irakiens, ben, ils sont exactement comme nous autres. Ils n'ont rien à foutre de la guerre. Ils n'ont rien à foutre des souffrances. Tout ce qu'ils veulent, eux autres, c'est que tout le monde embarque dans l'islam. Parce qu'ils veulent sauver ce que tout le monde veut sauver. Mais c'est pas ça qui est le pire, c'est qu'ils veulent surtout qu'Allah leur foute la paix. Parce qu'ils sont obligés par leur Dieu de se battre contre des infidèles. Mais ils n'ont rien à foutre. Mais l'humain n'est pas bâti. Eux ont leur cinéma, mais fondamentalement parlant, ils sont comme nous autres. OK, certains ont moins d'intelligence, d'autres en ont plus que d'autres ici, etc. Mais on parle globalement au niveau de l'humain, il n'y a aucune différence. Ils sont battus entre eux autres, mais il n'y a aucune différence. La différence, c'est le film qu'on le projette dans le conscience. C'est le bon théâtre. Puis chaque film fait dire que, écoute, tu voulais voir Dieu, voici Dieu. Moi, le Dieu que je vois là, ben, il m'explique des choses. Là, tu viens me parler du Dieu que tu as vu là, ben, tu es un mousse niaiseux, toi là. Mais non, tous les deux là, on a la même histoire dans notre intuition, puis on est sûr qu'on a vu la vérité. Puisqu'on a vu ce mensonge cosmique. Alors, toute la vie au complet du régime planétaire est basée sur un mensonge cosmique. L'humain est dans un théâtre, dans un cinéma, et l'humain s'attend à voir un film. L'humain a l'intuition de la gustation du film. Si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un Dieu? Certains vont dire, moi, j'y crois pas. D'accord, mais philosophiquement parlant, là, que devrait être un Dieu? T'sais, si tu aurais en créer un, il devrait être comme un. Vous allez vous rendre compte que tous les humains sur la planète vont vous le décrire de la même façon. Bon, c'est sûr que, dépendamment des résidus du film, est-ce qu'il est sexué? Ben, il y a bien des pays qui vont vous dire oui, puis c'est un homme. Bon, mais ça, c'est encore à cause des résidus du film. Bon, mais si on abdiquait nos mémoires de film, tout ce qu'on va créer, c'est la même chose. Les enfants de toutes les nations de la planète revendiquent les mêmes choses. Les jeunes, les mêmes choses. Les adultes, les mêmes choses. Les personnes âgées, les mêmes choses. On est là à s'entretuer pour tout le rien. À cause d'un film, une erreur du projecteur. Dans la stress de projection. Alors ça, on doit comprendre l'idée. C'est pour ça que l'humain, s'il doit faire, et c'est extrêmement important, c'est qu'il doit réinventer le scénario dans sa caboche. Non seulement il va réincarner de l'avenir, non seulement il va transformer ses attitudes, non seulement il va s'exorciser, et non seulement il va se rapprocher d'une mécanique qui va probablement lui permettre d'éviter l'apocalypse des autres, Et il va se diriger vers une évolution qui est douce, plaisante, facile, agréable. Il va voir Jonathan Livingston, le gars, il l'a. Il va finir par voir le bon film. Mais il ne sera pas poli avec l'idée de tel film, etc. J'ai déjà été voir des films, moi, où j'arrivais juste quand les lettrages étaient passés, puis je ne savais pas c'était quoi. J'étais rentré au cinéma pour voir tel film, il y en a deux, j'arrive au deuxième. On dit franchement, le film est très bon. Tu corriges tout. Mais si j'aurais pensé aller voir tel film, puis je serais rentré sans rien voir, puis c'est pas le bon film, probablement que les trois quarts du début du film, trois quarts du film, tout le long, j'aurais cherché à comprendre, à m'ajuster, à m'adapter. Parce que ça n'aurait pas été avec ce que je pense. Mais dans la vie, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 8, 9, 10 ans, qu'on est dans le cinéma, fait qu'on a fini par s'ajuster, puis se dire, ben écoute, faut croire, c'est ça. C'est pas aussi bon que je pensais. Mais c'est pas ça. On n'est pas dans... c'est pas le bon film. Puis on peut pas regarder l'autre film tout en regardant celui-là encore. Faut arrêter de le regarder. Sors du cinéma, puis cherche la salle. C'est ça la transition. Sortez du cinéma. Mais les gens sortent pas du cinéma. Oui, mais là, c'est chaud, là, puis ça commence à être bon, là. Mmh. On manque à la fin. Je vais manquer à la fin du film. Corn, là, puis quand je vais revenir, là, là, tu vas me dire, hey, t'as manqué un bon bout. Si c'est le bon film... Et comprenez ceci. Si c'est un bon film, mais il est pas bon pendant 5 minutes. OK? Alors, si tu sors d'un mauvais film, puis quand tu reviens, hey, t'as manqué le bout qui était bon, ben le film n'est pas meilleur. Il y avait un bout de bon, le film n'est pas meilleur. C'est toujours pas le bon film. Alors, lui, il a peur de sortir du cinéma parce qu'il a peur de manquer un petit bout. Après ça, il sort du cinéma, puis là, il dit, tiens, celui qui évolue, là, il sort du cinéma, puis là, il se dit, à un moment donné, mais allez voir quel film que c'est. OK? Là, c'était Jonathan Livingston, mais à la place, on a projeté Elisa, la gardienne du RM des rois du pétrole. Bon. Alors là, il se dit, écoute, là, je vais sortir, moi, là. Là, il sort. C'est vous autres, quand vous transitez. Là, vous fouillez dans le cinéma, puis là, vous voyez, il y a une place, c'est écrit Elisa, gardienne du RM des rois du pétrole. Bon. Là, vous vous dites, peut-être, c'est là qu'il projette mon film. Vous ouvrez la porte, vous regardez. Le monde sont là, ils ont toutes des chaînes. Habillé en cuir, à moitié déshabillé, des gros tatous partout, c'est en trois dimensions, parce que ça fait de l'infection. Hein. Puis là, il regarde un film avec des monos qui volent. Là, vous vous dites, c'est pas là non plus, tout le monde il est là. Mais c'est parce que le film est projeté en bas, puis ton film est projeté en haut. C'est là où tu rentres. En te foutant de ceux qui sont là. Et le film, tiens, ouais, là. Pas le public, mais les individus, fait que là, la personne, elle se dit, écoute, c'est pas là. Puis elle continue à faire sa quête. Hein? C'est sa quête du Graal, sa quête de bonheur. Et puis elle revient finalement à Isa, les machins, dans le théâtre, dans la pièce où c'est écrit Jonathan Livingston. Mais t'as encore fait à l'os. L'humain doit donc comprendre. Vous savez, ce que fondamentalement il y a chez vous, ça, c'est probablement pas le mensonge cosmique. C'est pas exprimé, mais non, parce qu'on regarde le film qui est là, puis on pense que c'est comme ça. Alors, on essaye d'ajuster le fondement même de notre intelligence chez nous à l'absurdité planétaire. Alors, on va excuser que Dieu ait rendu infirme telle personne, parce que peut-être que... Non, écoute, au fin fond de toi, là, si t'aurais vu à bâtir Dieu, là, tu l'aurais bâti pour qu'il ne bâtisse pas les infirmes. T'sais? Fait que là, on est en train de se mentir, puis on se joue les jeux. On défend le mensonge cosmique. C'est pas ça du tout. L'être humain doit comprendre l'idée. L'être humain n'est pas bâti pour souffrir, donc il va en mourir. Il n'est pas bâti pour être malheureux, il n'est pas bâti pour s'ennuyer, il n'est pas bâti pour être angoissé, il n'est pas bâti pour être jaloux. La jalousie, il n'y a rien de plus con que d'être jaloux. De vouloir absolument posséder un autre individu. D'être jaloux de quelqu'un qui réussit mieux. D'être jaloux parce que... Oh, on perd notre vie carrément là-dedans. C'est extrêmement important de comprendre l'idée, c'est qu'on doit donc recréer, à un moment donné, un scénario, et pas le recréer en essayant de le forcer à être exprimé dehors, on va encore souffrir pour absolument rien, on n'est pas bâti pour ça. Alignez-vous dans un autre monde, vous allez voir qu'à un moment donné, tout ce qui est à côté va s'effacer progressivement. Mais pour ça, on doit avoir effacé ce qui est en dedans avant. Hein, la personne qui se dit, ben là, moi, c'est ça que je veux, vivre dans un monde meilleur, là, maudit! Des autres personnes chiales, calées! Mais non, il faut commencer par effacer ce qui est en dedans parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pellicules en dedans. Sans ça, tu vas aller voir Jonathan, là. Tu arrives dans le bon théâtre. Puis là, tu te dis, bon, Jonathan, il est là. Ouais, mais c'est pas aussi bon que je pensais. C'est les filles à poil de moins. Tu as encore les mémoires de ton film en bas, là. Ça fait que tu peux plus rien. T'apprécies plus rien. Celui qui veut rencontrer Dieu doit le rencontrer tout nu. Hein? Il ne doit pas arriver là-bas avec tout son sac à dos, ses mémoires, ses cossins, puis se dire, écoute, Dieu, je voulais être d'oeil, là, franchement, tu sais. Est-ce que la planète Arca existe ailleurs que dans l'astral? Si oui, quel est son rôle? Bon, premièrement, ce sont des noms qu'on donne à un moment donné. Ça existe dans l'astral, uniquement dans l'astral. Ce sont des noms qu'à un moment donné, l'ésotérisme va donner à des perceptions astrales de façon à permettre à des individus qui sont en train de décoller d'une forme, ça va leur permettre de s'attacher à une autre forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, les individus, je vous donne un exemple là, très simple, la personne, elle va attendre un salut, elle va attendre d'être sauvée, elle va attendre son salut d'une île. Parler de l'île d'Avalon, par exemple. Alors, la personne va se dire, c'est de l'île d'Avalon que ça va venir. Mais là, ça fait longtemps qu'elle attend après. Et puis, après quelques années, elle finit par perdre la foi. L'astral va venir progressivement la mettre au courant qui existe. C'est un exemple que je donne encore. Par exemple, une planète qui porte le nom d'Arca. Et cette planète-là, elle va faire... Alors, la personne qui était attachée à une forme, puis qui est en train lentement de lâcher la forme, mais l'astral vient immédiatement lui en suggérer une nouvelle. Elle va se raccrocher. Donc, la personne reste régulièrement accrochée. Alors, il y a des personnes, par exemple, qui vont dire, « Moi, l'Église catholique, je ne peux rien savoir. » Ça va à l'oratoire Saint-Joseph, tous les semaines. Donc, l'Église, c'est dans l'Église. Mais vu qu'elle a décollé d'une forme, bien, l'astral est allé lui en présenter une sur laquelle elle pourrait accrocher. Ce qui fait qu'elle est encore dans l'illusion, dans le mensonge. Tout ça a des utilités. Mais ça reste quand même que ça va permettre une transposition chez plusieurs personnes de différentes choses. Pourquoi a-t-il une saisie sur le bateau? Ah, parce que le gouvernement canadien était jaloux, il voulait l'avoir. 5 ans avant le départ, je savais qu'on ne partirait pas. Alors, à un moment donné, il y a des personnages, nous autres, on y allait, on faisait confiance à l'humain. Et on a appris qu'il fallait faire confiance à l'humain. Quand tu as confiance qu'il va te fourrer, il va te fourrer. Alors, il y a des personnes qui venaient, puis quand on a besoin d'argent, on passe le chapeau. Il faut acheter un moteur, 7 000 $ pour un chapeau. T'as-tu un moteur à acheter tout là? Non. Mais... Alors, à un moment donné, ben il y a des personnes qui arrivaient. Il y a un bonhomme qui a eu, lui, un héritage, plusieurs milliers de dollars. Alors, il a décidé qu'il mettait 7 000 $ dans le groupe pour le bateau, à un moment donné. Une fois 2 000, une fois 5 000. Et c'est le seul que j'ai demandé, « T'es-tu sûr de ce que tu fais? » C'est le seul qui m'a répondu, « Je suis pas sûr que je pars, mais je suis sûr que je vous le donne. » Et à un moment donné, ben là, il y a eu des amanchures avec la GRC, là, des trucs que je passe, mais on a réussi à prendre mon bras droit. On a réussi à le forcer à vendre de la drogue à des individus, puis les deux individus, c'est des agents doubles, puis nécessairement, ils l'ont arrêté. Ils ont, de zéro, ils ont tout bâti, de zéro, zéro, aller jusqu'à l'arrêt, de toute pièce, tout était monté au complet. Alors, ils l'ont arrêté. C'était le fils du sous-ministre des Finances du gouvernement à l'époque. Alors, mais il y a eu un procès, il était condamné à la prison, puis une journée après, il était libéré, il n'y a plus de problème. Une fois par mois, il fallait qu'il rentre à Québec, puis quand il revenait, il était déprimé pour une semaine. Il disait qu'il allait voir ses parents. Non, il allait voir les gars pour recevoir ses ordres. Et puis, à un moment donné, ben lui, il est parti au Mexique avec 25 000 $, avec un autobus, etc. Et puis, dans le Mexique, ben il a cantonné l'autobus dans le désert. Il devait traverser le Mexique en 2 jours, se rendre au Guatemala, où il y avait des gens qui les attendaient. Et puis, finalement, ils ont brûlé tout leur argent-là en droguant et en buvant. Et puis, il y avait un bébé qui était très, très jeune. Puis lui, ben, pour faire son lait en poudre, il fallait faire ça avec de la bière parce qu'il n'y avait pas d'eau. Alors, à un moment donné, lui, il est revenu, puis là, il voulait me poursuivre en cours pour négligence criminelle à cause de l'affaire du bébé. Mais avant qu'on passe en cours, les parents et l'enfant sont venus au Québec, et c'est des amis qui sont encore mes amis, étaient pas au courant, eux autres, que lui voulait me poursuivre à propos de le bébé. Et puis, il y a le père du bébé, j'avais mandaté pour surveiller l'autre, j'avais des petits doutes. Puis lui, il m'a expliqué, ben non, lui, il allait acheter de la nourriture pour les 25 personnes, il achetait des pinottes, il allait au restaurant, il mangeait à finir, après ça, il s'en venait. Puis si on est obligé de faire du lait en bière, enfin du lait en poudre avec la bière, c'est parce que lui achetait de la bière simplement, il aurait pu acheter de l'eau. Quand lui a su ça, il a laissé tomber. La personne qui avait donné 7 000 $, à un moment donné au Mexique, elle a failli se noyer, et c'est lui qui l'a sauvé sur l'océan. Et par la suite, ben, lui l'a convaincu de nous poursuivre en disant que c'était un prêt, puis qu'on leur devait 7 000 plus 3 000 d'intérêt. Alors, on leur a attribué le meilleur avocat en droit maritime au Canada. Et ça, c'est un avocat, un très grand avocat qu'on est allé voir pour nous défendre. Il a refusé de nous défendre. Il dit non, c'est ce gars-là qui défend l'autre. C'est perdu d'avance, je ne veux rien savoir. C'est le meilleur qu'on a au Canada en droit maritime. Alors, il y a eu une saisie uniquement parce que donc, le gars a fait une plainte. Le bateau était reconnu navire canadien, donc c'était au fédéral que ça devait se faire. Alors, il y a eu une saisie parce qu'il y avait donc 10 000 $ qui étaient volés. Quand on est allé en cours par la suite, ben, notre avocat qui n'avait jamais plaidé a été manipulé par son guide de lumière, n'est-ce pas? Et il a posé une question claire et nette au gars. Il a dit, à l'époque, vous avez donné votre argent, étiez-vous au courant que c'était un don? Il a dit oui. Puis il lui poursuivait, pourquoi? Parce qu'il disait que c'était un prêt. Alors on a gagné. Mais évidemment, c'était uniquement pour dilapider, etc. C'est pour ça qu'il y a une saisie fédérale. Et ce sont des amancheux. Il reste des questions, il reste des réponses. Je les poserai la semaine prochaine, je vais les conserver. En attendant, je vais donner le titre de la conférence de la semaine prochaine. Ma première rencontre avec des anges. Ah, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est quand j'ai commencé à jouer le clarinette. Alors là-dessus, c'est ça, ben, imaginez des nouveaux scénarios dans votre tête, ça va être intéressant. Ça ne changera rien dans l'actuel cinéma, mais quand tout le monde dans le cinéma va avoir la même vision, on ne peut pas commencer à dire aux gars en dedans là, de changer de film. Qu'est-ce qu'il faut faire? En attendant, ben, soyez joyeux. Hein? Ah oui, la conférence, en fin de semaine, c'est un séminaire PMC1. Et dimanche prochain, c'est le PMC+, parce qu'il y en a qui pensaient que c'était dimanche ici, ça a été reporté dimanche prochain, le PMC+. Donc, vous vérifierez avec Michel s'il y a des doutes ou des questions. Bonne semaine.